les rejoins sur ces fontaines de cristal. J'ai dévoré son cœur d'en bois. Ils ont brisé le fragile pétale. Un fleuve de douceur est entré en moi. Des flots de lumière ont pénétré dans mes paupières. Et s'est ouverte toute grande la porte du bonheur. Du bonheur infini. Tes paroles ont vibré enfin mon cœur. Je le rejoins sur ses fontaines de cristal. Je dévorais son cœur d'amboise. Et sans briser le fragile pétale, un fleuve de douceur est entré en moi. Des flots de lumière ont pénétré dans mes paupières. Et s'est ouverte toute grande la porte du bonheur. Bonheur infini. Vibrer enfin mon cœur, inespéré de ma vie. Je les rejoins sur ces fontaines de cristal. J'ai dévoré son cœur dans moi, sans briser le fragile métal. La fleur de douceur est entrée en moi. Plus que les maudits, que toutes les vies.